vers ses montres. Vers l'effet d'une pompe. SHD. S-A-N, c'est sa haine. Étonne chaque jour que c'est pas la peine. Sans chaud, se constitue. Sans chaud, dealer. La prime team. La prime team. Quand je vais s'amuser à la bonne place. Elle est toujours prêt à faire quoi. Dans une esquive, vous s'en tenir. Le mal accompagné. Commençons l'histoire de cette création. 2004, le rap fait une déclaration. J'ai la haine, sur mon texte tel qu'il est. Ceux qui prennent des kilos. Être célèbre, c'est pas le principal, mais plus du trophée. Par contre, on est de la censure. Tu me sous-estimes. On allume le contact et on attache la ceinture. Car le voyage va être riche en écriture. Les deux mains sur le volant, on dit tous les deux. Ce qui nous fait prendre des risques, c'est la dalle. On est pointilleux dans les prises de rond-point. On pète le rétro car le passé nous met mal en point. On s'arrête juste pour mettre de l'essence. Si on fait quelques vidanges pour moins garder nos compétences. Je fais confiance au conseil de mon copilote. Car à l'arrivée on se rend sans pour empocher la camelote. La course on l'a fait dans les règles de l'art. On pourrait même éclairer nos rivaux avec nos phares. La première place c'est pas ce qu'on focalise. On roulera quand même avec les roues crevées même si ça nous pénalise. On se fait pas des films, on écrit notre scénario. Pas la même force que Mark Landers mais l'envie d'Ali Mello. S-A-N-C-H-O. Maxi volume 4. Au-delà de la chaleur. Ok. Se constitue.